Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée a répondu le 9 aux questions du correspondant de l'Agence télégraphique centrale de Corée contre le Haut Commissariat des droits de l'homme de l'ONU qui a mis en cause notre pays sous prétexte de problèmes des familles séparées du nord et du sud de la Corée. En voici le résumé. Le Haut Commissariat des droits de l'homme de l'ONU a publié le 7 décembre un rapport sur le problème des familles séparées du nord et du sud de la Corée. Là, il a énuméré des données frauduleuses de toutes sortes, notamment l'enlèvement d'un certain individu. Nous estimons comme acte hostile contre notre République la publication du rapport plein de fraudes et mensonges inventés par les autorités sud-coréennes en dépit de nos avertissements réitérés et nous le condamnons catégoriquement. Comme nous avons déjà précisé plus d'une fois, nous n'avons aucun lien avec le mot « enlèvement ». L'interruption des retrouvailles des familles proches séparées qui se tenaient régulièrement sur notre initiative active et par nos efforts sincères est absolument due à la Corée du Sud qui recourt de façon permanente à l'enlèvement de nos citoyens pour détruire complètement les rapports intercoréens. Rappelons qu'en avril dernier, les autorités sud-coréennes ont poussé les agents du centre de renseignement à enlever collectivement une dizaine de nos citoyennes à l'étranger, et la gouvernante sud-coréenne a instigé ouvertement la désertion du Nord, ce qui montre que la Corée du Sud est un groupuscule des criminels anti-humains spécialisés au kidnappage. Si le Haut Commissariat des droits de l'homme de l'ONU a publié le rapport en question, en même temps avec la circonstance où les autorités sud-coréennes sont traquées aux abois du fait de l'affaire scandaleuse de Bakounine, c'est une attitude injuste ayant rejeté même l'équité et l'objectivité vitale de l'institution, prenant fait et cause avec les autorités sud-coréennes qui se démènent à la recherche de l'issue dans la confrontation intercoréenne. S'ils portent vraiment l'intérêt à la solution du problème des familles proches séparées, il doit tout d'abord incriminer Bakounine, qui incite ouvertement l'abandon du Nord, et les agents du centre de renseignement sud-coréen qui ont enlevé collectivement nos citoyennes en plein jour et revendiqué aux autorités sud-coréennes de les renvoyer tout de suite.